Les soirées de Saint-Pétersbourg par Ludovic Nodot. Nous étions là, 17 personnes, 10 femmes et 7 hommes. Le samovar de cuivre pâle fumait sur la table. Une buée violâtre montait des verres, copturés, vitreux couvercles, des disques de citron flottant sur l'infusion brune. La forte senteur du thé chinois se mêlait dans la chambre à l'arôme du tabac de Bessarabie. Au dehors, une soirée de brouillard et de pluie s'éplorait, noyée de mélancolie la grande ville morne. Nuit du Nord, nuit gémissante, nuit des automnes glacés et ruisselants, vous versez par trop de tristesse à nos cœurs nostalgiques. Mais la chaleur qui rayonnait de la grande cheminée de porcelaine nous était très douce. Quand la porte du fourneau s'entr'ouvrait, les flammes qui dévoraient les bûches de sapin paraissaient belles et réjouissantes comme des rayons du grand soleil. J'étais enfin parvenu à pénétrer dans le monde des révolutionnaires. Pendant que le feu crépitait joyeusement, je songeais à l'étrange destinée que peut être parfois celle des journalistes. Ne leur advient-il point, certains jours, et cela non seulement en Russie mais partout, de sortir d'un palais pour entrer dans un repère? N'ont-ils point quelquefois écouté pendant une même heure l'apologie de l'absolutisme et l'éloge de l'anarchie? Ne leur faut-il pas tout entendre pour essayer de tout comprendre? Plaignons les hommes qui ne savent considérer les événements humains que sous un seul angle. Point d'illusion. Je ne me trouvais point, ce soir-là, parmi des personnes parvenues à un assez haut degré de résolution pour jeter elles-mêmes des bombes. Les redoutables combattants, les grands terroristes, les colporteurs de la mort, ne se laissent point contempler inutilement, même par ceux qui seraient tout prêts à les considérer comme des héros ou des martyrs. Les grands conspirateurs non plus. Les stratèges du parti révolutionnaire ne sortent point du mystère qui est leur unique sauvegarde. Et puis, il faut le dire, combien de chefs emprisonnés, traqués, déportés ou contraints de rester cachés à l'étranger, combien d'hommes d'action tués par la police, fusillés par les soldats ou cravatés de chanvre par le bourreau. Malheureux pays qui, depuis des siècles, anéantit systématiquement les plus belles de ses énergies, les plus lucides de ses intelligences. Je n'étais point parmi les grands désespérés, les grands exaltés dont les attentats étonnent le monde, mais du moins, à n'en pas douter, les personnes dont j'étais l'hôte appartenaient au corps de réserve, au service auxiliaire de l'armée de la Révolution. Les amis dévoués qui, pour obtenir mon admission momentanée dans cet étrange milieu, avaient répondu de ma loyauté, m'avaient auparavant expliqué certaines particularités. Je le savais, les femmes et les hommes qui m'entouraient n'avaient point agi, mais ils avaient parfois donné asile aux grands acteurs du terrorisme. Ils avaient caché un fugitif, soustrait un suspect aux recherches de la police. Ils avaient fait circuler la littérature clandestine, les journaux secrets qui reflètent leurs pensées. Ils avaient réuni des fonds destinés à entretenir l'agitation. Ils avaient transporté des documents, transmis des consignes. En un mot, ils avaient plus ou moins risqué, sinon la mort, du moins la déportation en Sibérie. À quelle catégorie sociale appartenaient mes hôtes? Un mot de trop, et au lieu de faire une description, je commettrais une délation. Intellectuellement même, il me parut y avoir entre eux des différences marquées. La plupart semblaient avoir une instruction primaire supérieure. Il y avait aussi, ce soir-là, des étudiantes, qu'on appelle ici des coursistes, et des personnes naguère issues de l'université. Évidemment, je me trouvais dans un groupe de cette minorité cultivée qui, tout en ne ressemblant point à la grande masse du peuple russe, agit néanmoins sur elle comme un levain. 10 femmes et 7 hommes. Pourquoi tant de femmes? Il ignorait l'une des caractéristiques essentielles des événements qui se déroulent en Russie. Celui qui ne connaîtrait point quel grand rôle y jouent les sœurs de l'homme. Ce sont elles qui inspirent aux hésitants les décisions suprêmes. Leurs propos ardents suscitent des sacrifices. Elles poussent à l'action les timorés et les veulent. Des résolues, elles savent faire des fanatiques. Quand il le faut, elles tuent de leurs propres mains, par le fer et par le feu, les serviteurs du pouvoir. Un jour, en face du peloton d'exécution, elles meurent comme elles ont vécu, en riant au fusil qui, devant elles, tremblait tout d'abord et ne tirait point juste. Redoutable compagnonne, auquel on ne saurait songer à compter Fleurette, et près desquelles un homme ordinaire se sent tout petit. J'ai parfois vu de belles révolutionnaires, mais ce soir-là, Je n'étais entouré que de laideurs fortes, de visages pensifs et durs, où saillaient pommettes et maxillaires. Point belle, mais plus belle que les coursistes aux cheveux plats, coupés au niveau de la nuque, d'un grand coup de ciseau, comme une queue de cheval. Ils aspiraient à plein poumon la fumée de leurs cigarettes qu'elles renvoyaient par les narines d'un souffle sifflant qui projetait un nuage vers leurs rudes mamelles. Il y avait là des femmes à la crinière jaune, au visage un peu aplati, au type finnois très caractéristique, puis aussi des caucasiennes, une juive, et des blondasses aux yeux de pervenche et qui eussent pu être allemandes. Parfois ces dames me lançaient la dérobée à un regard où je sentais qu'il y avait du mépris, de l'ironie ou de la pitié. Quand de semblables gaillardes représentent le féminisme, on ne se sent pas fier de représenter le masculinisme. Il y eut un grand éclat de rire. Des messieurs et des dames contemplaient une photographie tout en s'esclaffant. Je m'informai, on me cria « C'est un mouchard, un espion que les nôtres viennent d'exécuter à Odessa, un misérable qui vendait ses frères. Il est mort, que le diable ait son âme !» Et sur la photographie, on me désigna du doigt au milieu d'un groupe d'une quarantaine de personnes, un jeune homme hirsute, au front très beau, au regard très doux. C'était Feu le traître. Je ne jouais point précisément dans cette assemblée le rôle de personnage sympathique. Je comprenais bien que je n'y étais que toléré. Les regards dont, à la dérobée, mes hôtes essayaient de me scruter n'étaient point trop bienveillants. Quelques-uns des assistants ne prononcèrent point un seul mot en ma présence. Je sentais qu'ils voulaient m'ignorer, ne voulant pas me connaître. Cela me paraissait naturel. Quand j'étais entré, j'avais reçu comme compliment de bienvenue des paroles comme celle-ci. « Monsieur est français ? Ah, vraiment, monsieur est français ? Eh bien, il faut qu'il sache que nous sommes très mécontents des Français. La France prête de l'argent au gouvernement autocratique. Elle contribue à prolonger notre asservissement. La France est complice de l'autocratie. C'est très mal, nous n'aimons pas la France. » Ce n'est pas moi, je vous assure, qui ai prêté tous ces milliards. La France est un pays de bourgeois, de rentiers, qui ne s'intéresse qu'au cours de la bourse. Faut-il que nous souffrions à cause de cela ? Quand le drapeau tricolore volait de capitale en capitale, flottant dans le grand souffle épique de la liberté, était-ce donc pour que tous les citoyens français devinssent des rentiers ? La conversation continua aigre douce, perpétuelle escarmouche, où je recevais plus de coups que je n'en donnais. Un certain dédain pour tout ce qui était français fournit la note dominante dans ce débat. Le socialisme français lui-même n'était pas sérieux. C'était un socialisme utopique, chimérique, et d'ailleurs affaibli par des dissensions et coupable d'avoir pactisé avec les partis bourgeois. Le socialisme allemand était infiniment plus sérieux, plus fort et combien plus fécond, en réalisation immédiate. Ah, le socialisme allemand ! Pour mes interlocuteurs, le socialisme allemand, c'était la perfection même. Ce soir-là, Karl Marx me parut être le dieu des collectivistes russes, chose singulière. Ceux-ci estiment piètre toute idée révolutionnaire qui n'a pas tout d'abord été formulée dans la langue de Guillaume II. Puis ce furent des tirades vagues et contradictoires, témoignant trop du désarroi où sont actuellement en Russie les partis extrêmes. Une remarquable ignorance des choses de l'étranger, ignorance mêlée à une vanité nationale tout à fait surprenante chez des internationalistes, voilà ce qui me frappait parmi mes hôtes. Après tout, les pays occidentaux ne surpassaient la Russie qu'en matière d'organisation politique, et cela était peu de chose. Mais au point de vue social, la situation de la Russie était la même que celle des pays de l'Ouest. Un jour, la révolution sociale russe se répandrait sur l'Europe entière et la débarrasserait du joug capitaliste. La Russie serait la grande libératrice, la grande purificatrice du monde, car le socialisme ne peut pas régner dans une seule nation. Il faut que toutes à la fois détruisent les vieux régimes, les vieilles oppressions. Il y eut aussi des paroles découragées, des mots d'affliction et de désespérance. Le jour de l'aurore sociale était sans doute encore bien lointain. Les masses populaires étaient encore aveugles. Quand donc ouvriraient-elles les yeux à la lumière ? Et puis ce furent des paroles furibondes contre les cadets, ces bourgeois répugnants qui, une fois nantis du pouvoir, seraient des tyrannos et des exploiteurs, tout comme les bourgeois d'Europe. Une jeune fille me dit lentement, en me frappant le genou d'un doigt dur et pointu à chaque parole qu'elle prononçait, « Vous rendez-vous bien compte ? Avez-vous bien conscience que des milliers de jeunes gens intelligents, instruits, sont depuis quelques mois exilés en Sibérie ? et cela non point pour avoir fabriqué des bombes, mais simplement pour avoir pensé, pour avoir eu un noble idéal, pour avoir rêvé d'une humanité plus belle. Maudits soient ceux qui prêtent des capitaux aux oppresseurs du peuple russe. Je hasardai une question. Si un jour les socialistes russes arrivaient à dominer le pays, comment considéreraient-ils les dettes contractées envers la France par le régime actuel ? Un grand rire courut, comme un hennissement dans toute la salle. Des personnes s'approchèrent pour me considérer mieux. D'autres écarquillaient leurs yeux. Et elles me fixaient comme pour pénétrer la psychologie du personnage baroque que je leur semblais être. Une coursiste tapait de la pomme de ses mains sur ses fortes cuisses de jeune pouliche indomptée. Des hommes riaient silencieusement, ouvrant de grandes bouches entourées de poils fauves. D'autres, les yeux à demi clos, les lèvres recroquevillées et laissant ouvert un petit espace rond comme un os, dégustaient en poussant des gloussements intermittents la bêtise du jocrisse que, sans aucun doute, je leur paraissais être. L'un d'eux, pourtant, voulant me montrer quelques égards, hasarda une concession. « Nous ferions en tout cas, dit-il, des investigations pour rechercher si l'argent prêté par la France n'a pas été employé contre le peuple russe. Et puis, allons, allons, dit un autre, ce serait un bienfait pour la France que de perdre ses milliards. Car si tous les Français étaient pauvres, ils deviendraient tous socialistes et ainsi ils participeraient davantage au progrès humain. Monsieur, me cria une coursiste, dont les limpides yeux verts avaient un éclat perpétuel et fort qui les faisait ressembler à de grandes émeraudes striées d'or. « Monsieur, nous préférons vous parler franchement. L'heure où les socialistes domineront la Russie nous semble à nous-mêmes lointaine. Mais si cette heure sonne jamais, vous ne toucherez pas un copec. Vous m'entendez ? Pas un copec. Pas un copec. Pas un copec. » Il y eut encore des rires. J'étais fixé. Rentré chez moi, je notai une suite d'idées déjà pressenties auparavant, mais dont désormais je ne doutais plus. Premièrement, le régime actuel, tant qu'il sera comme il l'est, dans le temps présent, le maître de la situation remplira ses obligations envers ses prêteurs étrangers. Deuxièmement, un régime où, à la suite de certaines transformations, le pouvoir serait exercé par les partis bourgeois ferait également honneur aux engagements de la Russie. Troisièmement, mais si le régime actuel et celui des partis bourgeois étaient un jour débordés par la marée montante de la révolution sociale, la France perdrait sans aucun doute le capital qu'elle a immobilisé dans ce pays. Quatrièmement, les socialistes proprement dit restent jusqu'à présent en Russie une infime minorité. Ils sont présentement impuissants. En dernière analyse, tout dépend du travail secret, de la fermentation mystérieuse qui s'accomplit dans les couches profondes du véritable peuple russe. Tout dépend des idées générales qui, dans quelques mois ou dans quelques années, domineront l'esprit des 80 ou des 100 millions de paysans russes. Vont-ils évoluer suivant la formule des cadets ou suivant la formule des socialistes révolutionnaires ? Nulle question n'importe davantage à l'avenir du monde. Comment y répondre ? La nuit suivante me trouva chez un professeur à une réunion d'universitaires. Nous étions tous assis autour d'une grande table rectangulaire où le samovar, trépidant de vapeurs accumulées, frémissait comme une locomotive et brillait comme un phare. Nous mangeions force charcuterie et aussi des petits gâteaux et des confitures. C'est ainsi, en s'emplissant de comestibles savoureux et réconfortants, que devisent les intellectuels russes. Bourgeoisement vêtus de redingotes noires, ils parlent à tour de rôle, sans vibration de la voix, sans lueur dans les yeux. Physionomie pensive d'hommes sincèrement attristés par les malheurs de leur pays. Esprits libéraux, âmes idéalistes, mais trop délicates pour ne point s'alarmer en songeant à l'incertitude de l'avenir, trop réfléchis pour ne point s'effrayer des excès du terrorisme, pour ne point redouter un déchaînement de la brutalité humaine. Ils sont nombreux en Russie, ceux qui interrogent leur conscience, se demandent où est le devoir, où est la vérité, où est la justice. Ceux qui, dans un dédale de contradictions, cherchent la bonne route et ne la trouvent pas. Je m'efforçais d'amener mes hôtes à épancher leur cœur. Ils n'en éprouvaient point l'envie. Rien n'est plus ténébreux, plus inextricable que la situation actuelle. Que peut faire aujourd'hui l'homme de bonne foi ? Russe ou étranger, il ne peut guère que se taire et méditer. Les attentats, les terroristes, dis-je, donnent à l'univers l'impression que la révolution russe n'a point encore avorté. De plus, en alarmant les pouvoirs suprêmes de l'Empire, ils entretiennent en eux cette idée salutaire que l'heure des réformes a vraiment sonné, et qu'il serait imprudent d'en ajourner l'exécution. En cela, ces coupables excès servent des fins qui sont bonnes. Mais si un jour les partis qui représentent la classe intellectuelle et bourgeoise de la Russie arrivaient au pouvoir, si un ministère composé de membres modérés de la Douma prenait la direction des affaires publiques, cela, j'en suis bien sûr, ne mettrait pas un terme aux attentats que commettent maintenant les extrémistes. Les libéraux, les intellectuels, après avoir combattu l'autocratie, seront sans aucun doute vilipendés eux-mêmes et attaqués par les socialistes. Mais nous savons qu'actuellement encore, ceux-ci sont trop peu nombreux pour influer véritablement sur les affaires publiques. Est-il à croire que leur doctrine puisse se propager rapidement dans les campagnes de telle manière que leur nombre s'accroisse considérablement dans un temps assez prochain? Que sera demain la mentalité du paysan russe? Vous touchez là, me dit au milieu du silence général un professeur respecté, au problème le plus grave qui se puisse poser en ce moment. Le plus difficile à résoudre aussi. Que pensent actuellement les paysans russes? Quelles idées dominantes s'ébauchent dans leur cerveau? Vous ne recueillerez sur ce point que renseignements contradictoires, données confuses, témoignages décevants et souvent faux. Les paysans russes varient non seulement d'une province à une autre, mais même d'un canton à un autre et d'un village à un autre. Mais ces rustiques ne sont des bêtes qu'en apparence. Parce qu'ils sont pauvres, sales et hirsutes, on voit en eux des brutes incapables de penser. En cela, on se trompe. Ils manquent d'instruction primaire, mais ils ne sont point dénués de réflexion. De grands dons naturels gisent en eux qu'un étranger ne discerne point. Et puis leur ruse est extrême et personne ne saurait se vanter jamais de les pouvoir pénétrer. Les paysans sont madrés en tout pays. Les nôtres doivent à leur hérédité de servage d'être extrêmement habiles à embusquer leurs pensées. Ces astucieux savent simuler, quand ils le croient utile, la stupidité la plus grossière. Ils excellent à tromper tous ceux qui viendraient les interroger sur la politique. Mais ils ont leurs idées, et ces idées, ils les gardent. Finalement, ils voteront comme il leur plaira de voter. J'ai consulté, dis-je, à propos des paysans russes, une infinité de personnes de toutes les classes, de toutes les conditions, et arrivant de toutes les provinces de l'Empire. Moi-même, n'ai-je pas pu les observer pendant 2 ans à l'armée de Mandchourie? J'avoue que je suis incapable de tirer de toutes ces indications une conclusion de quelque valeur. Il ne saurait en être autrement. Votre cas est celui de tous les Russes intelligents. Mais, nonobstant, une grande vérité reste certaine, c'est que dans l'espace de quelques années, une évolution que nul n'eût pu prévoir s'est faite en ces multitudes naguère si primitives. Pour elles, il n'y a plus de puissance humaine qui soit une représentation de la puissance divine. Les vieux dogmes sont morts. Le pouvoir temporel ne peut plus faire croire qu'il émane du spirituel. Les hommes des chaumières regardent en face, comme leurs semblables, les hommes des palais. On a beau dire que les paysans russes veulent de la terre et seulement de la terre. Cela est vrai et cela est faux. Ils veulent de la terre, mais ils veulent aussi autre chose que de la terre. Quoi? Ils ne le savent sans doute pas très bien eux-mêmes, mais ils veulent autre chose. Cette masse humaine est enceinte d'un je ne sais quoi d'inconnu et de redoutable dont elle n'a point conscience. Si l'on considère tout ce qui s'est passé dans les diverses provinces pendant 1 an, on ne peut s'empêcher de faire de profondes réflexions. Tant de scènes de jacquerie, tant de tentatives d'expropriation, tant de maisons et de récoltes incendiées, de troupeaux détruits, sans bénéfice pour personne, tant de forêts saccagées, tant de menaces proférées, tant de propriétaires réduits à négocier avec leurs paysans et incapables d'obtenir d'eux encore aujourd'hui la plus petite partie des rentes qui leur sont dues. Tant d'autres terrifiés et contraints de vendre à vil prix leur domaine à leurs anciens serfs. Tant d'actes de vandalisme commis uniquement pour la satisfaction de haines longtemps dissimulées. Tant d'actes de vengeance perpétrés par des individus qui n'en tiraient pas de bénéfices personnels. Voilà ce qui témoigne trop que les villageois russes, tout en étant principalement inspirés par des convoitises, ne le sont pas uniquement par ces convoitises. La haine, c'est déjà une opinion. Constatation grave, c'est dans les provinces auxquelles la nature vient de donner une abondante récolte que l'agitation politique continue maintenant. Celles où le calme est rétabli sont précisément celles qui sont désolées par la famine. Cela ne m'a-t-il pas contre l'argument suivant lequel les paysans n'agiraient que sous l'impulsion de leurs besoins, de leurs appétits? Et puis, quel enseignement ne nous ont pas donné les premières élections et les séances de la première Douma? Va-t-on prétendre que les paysans ont tous été trompés, ou se sont tous trompés quand ils ont alors choisi pour les représenter tant d'hommes qui n'avaient d'autre idéal qu'un idéal de haine et de destruction et qui aspiraient seulement au renversement de tout ce qui constituait l'ancien régime. Aussi bien tout dépend du nombre des années futures sur lesquelles nous essayons aujourd'hui de projeter nos prévisions. Si nous considérons seulement les 4 ou 5 années consécutives à celles qui se terminent, rien ne nous permet d'affirmer d'une manière absolue qu'elles seront des années perturbées. Un esprit très prédisposé à l'optimisme oserait même admettre aujourd'hui cette possibilité que la seconde Douma pourra être composée, en partie au moins, d'éléments favorables au gouvernement et modérés dans leur désir de réforme. Comment les paysans vont-ils voter? Les réelles améliorations que viennent de leur concéder les divers oukases impériaux auront-ils eu sur leur esprit une influence favorable à la réaction? Il n'y a point d'homme en Russie qui se vanterait de pouvoir en préjuger. Personne, pas même Stolypine. Il est possible, convenons-en, que ces décisions impériales d'une part, et d'autre part, les tactiques du gouvernement, les pressions officielles et d'habiles applications de la loi électorale, finissent par constituer une seconde Douma moins intraitable que ne le fut la première. Mais s'il survenait, ce temps d'arrêt dans l'évolution de nos masses rurales ne changeait rien au cours ultérieur de cette évolution. Tout porte à croire que notre peuple campagnard continuera à subir avec une force sans cesse accrue l'impulsion qui le pousse vers des buts que chacun pressent sans que personne puisse actuellement les définir. Peut-être est-il dans nos destinées qu'un jour le Parti socialiste révolutionnaire, si faible numériquement aujourd'hui, devienne, plus ou moins transformé, la Russie tout entière. Cela vous étonne. Qu'on le nie, si l'on veut. Nier une vérité, ce n'est point la détruire. Le peuple russe, de par cette organisation communale, que lui légua un passé immémorial, de par ses mœurs, de par ses instincts même, est le plus prédisposé de tous les peuples européens à appliquer les doctrines du communisme. En Russie, peu ou point de classe moyenne intéressée à combattre cette idée, point de tradition, mais, en revanche, dans l'esprit national, une certaine tendance à ne point s'arrêter à demi dans la voie des innovations, une fois celle-ci commencée. Ils n'en sont peut-être point si fous qu'on le dit, ces visionnaires qui annoncent que les peuples russes passeront d'un seul bond de l'État autocratique à l'État collectiviste, sans s'arrêter aux phases intermédiaires où les peuples occidentaux sont encore entravés aujourd'hui. Vous le dites vous-même, ce sont des divagations de visionnaires. Mon interlocuteur continua. J'admets, sans y croire, la possibilité d'une accalmie de 3 ou 4 années. Mais je me demande comment nous échapperions tôt ou tard à une généralisation de l'esprit révolutionnaire et à une période d'anarchie d'où sortirait, avec des temps nouveaux, cette Russie inconnue dont chaque adolescent russe croit déjà, dans ses rêves, entrevoir l'image magnifique. Thèse singulière et qui, je l'avoue, coïncidait sur bien des points avec ce que je n'appellerais point des opinions, mais tout au plus des rêveries, des mirages qui avaient quelquefois hanté mon esprit. Je me retrouvais dans la rue, songeant aux énormes inconnus qui rendent maintenant insoluble le problème en face duquel nous nous épuisons à penser. Quand je me rappelais ce que j'avais entendu pendant ces 2 soirées, il me semblait qu'un lien subtil mais très fort unissait ces 2 séries d'hypothèses. Je laisse à nos lecteurs le soin de le démêler, si bon leur semble. De semblables idéologies ne sauraient, convenez-en, avoir la précision d'un constat ni l'énergie d'une opinion. Téméraire ou fou, celui qui aventurerait aujourd'hui sur les événements du monde slave la moindre prophétie. Il faut attendre. J'ai voulu simplement refléter des milieux, projeter vers la France des fragments choisis de la vie pétersbourgeoise, image flottante que l'avenir effacera. Le ciel de Pétersbourg était tout noir, sans une étoile, sans une lueur. C'était une nuit implacable, trouée au ras des murs par de vacillants quinquets. Il tombait des frissons avec les cristaux d'argent d'une neige tourbillonnante qui se décomposait en bourbiers et en marécages dans des rues coupées de fondrières. La nuit pleurait toutes ses larmes dans le cœur des hommes. Solitude parmi les peuples étrangers, perpétuel exil, c'est toi qui nous apprends vraiment ce que c'est que la patrie. Ces 2 soirées avaient été instructives, mais combien austères. J'en ai à Pétersbourg vécu d'autres. Leur récit sera tout palpitant de musique, de rire, de parfum et de volupté, comme un vent qui se serait chargé de senteurs fortes, pour s'être trop attardé sur un parterre de fleurs capiteuses. Ainsi s'achèvent les soirées de Saint-Pétersbourg par Ludovic Nodot.